toujours des guerres de religion. On ne changera pas la face du monde. Du monde, du monde, l'Afrique meurt tout doucement. Terre aride et sida. Et sida, y en a qui naissent dans des ghettos, mais trop souvent ils sont noirs de peau. Et les enfants jouent à la guerre avec de vraies cibles. Vrais fusils, et les enfants jouent à la guerre avec de vrais cibles, de vrais fusils, et les enfants jouent à la guerre avec de vrais cibles, de vrais fusils.